Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Première émission. Palais de justice. Lundi 23 juillet 1945. Première audience du procès du maréchal Pétain. Entouré de ses deux assesseurs, le président Mongibaud, premier président de la Cour de cassation, fait son entrée. Certains se sont plu à rappeler qu'il a prêté serment en 1941 et appliqué les lois de Vichy. Il va essayer de présider sans passion. Il n'y parviendra pas toujours. Garde, faites entrer l'accusé. Le silence tombe lourdement sur la salle. Philippe Pétain, encore maréchal de France, pénètre dans la salle d'audience, suivi de ses trois avocats, le bâtonnier Payen, maître Lemaire et maître Isorni. Il est en uniforme. Pour toute décoration, la médaille militaire. Il se tient droit, il ne regarde personne, il s'installe dans le fauteuil qui lui a été réservé, pose son képi devant lui. Avant d'ouvrir les débats, je tiens à faire une déclaration. Le procès qui va commencer est un des plus grands de l'histoire. Il importe qu'il se déroule dans la sérénité et dans la dignité. C'est la raison pour laquelle je suis disposé à prendre les mesures les plus sévères et les plus fermes pour assurer la police, la sécurité et la dignité de cette audience. L'accusé qui comparaît aujourd'hui a suscité pendant de longues années les sentiments les plus divers, depuis un enthousiasme et une sorte d'amour, jusqu'à la haine et l'hostilité violente. À la porte de cette audience où les passions doivent s'éteindre, je tiens à dire que nous ne connaissons qu'une seule passion sous un triple aspect. La passion de la vérité, la passion de la justice et la passion de notre pays. Sous le bénéfice de cette observation, je demande donc au public de se rappeler que si nous jugeons ici un accusé, l'histoire jugera un jour les juges eux-mêmes. Il importe qu'elles disent que la justice a été sereine. Ceci dit, je déclare les débats ouverts. Accusé, quels sont vos noms? Prénom, âge et qualité. Pétain Philippe, maréchal de France. Le greffier donne lecture de l'acte d'accusation. Pétain est inculpé d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État et d'intelligence avec l'ennemi. Monsieur l'huissier, veuillez faire l'appel des témoins. Le public entassé dans la salle reconnaît Paul Reynaud, avant-dernier chef du gouvernement à qui Pétain a succédé le 16 juin 1940, Albert Lebrun, l'ancien président de la République, Michel Clémenceau, le fils du Tigre, Jean-Jules Jeanneney, le président du Sénat, Édouard Daladier, l'homme de Munich. Une fois l'appel fait, les témoins cités par l'accusation et la défense se retirent dans la salle qui leur est réservée. Monsieur le bâtonnier, messieurs les avocats, je vais procéder à l'interrogatoire de l'accusé. Étant donné son grand âge, croyez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir une suspension d'audience ou bien désire-t-il qu'on l'interroge tout de suite? Le bâtonnier Fernand Payen, doyen des trois avocats du maréchal, prend la parole. Il désire que l'on procède à son interrogatoire. Il est bien entendu qu'il peut rester assis, car toutes les mesures qui sont compatibles avec l'humanité, en même temps qu'avec la justice, seront prises. Soyez-en certains. Il a une déclaration à faire d'abord, si vous le permettez, monsieur le Premier Président. Nous écoutons sa déclaration. C'est le peuple français qui, par ses représentants réunis en Assemblée nationale, le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui que je suis venu rendre des comptes. La haute cour, telle qu'elle est constituée, ne représente pas le peuple français. Et c'est à lui seul que s'adresse le maréchal de France, chef de l'État. Je ne ferai pas d'autres déclarations. Je ne répondrai à aucune question. Mes défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir et qui n'atteignent que ceux qui les profèrent. J'ai passé ma vie au service de la France. Aujourd'hui, âgé de près de 90 ans, jeté en prison, je veux continuer à la servir. En m'adressant à elle, une fois encore, qu'elle se souvienne, j'ai mené ses armées à la victoire en 1918. Puis, alors que j'avais mérité le repos, je n'ai cessé de me consacrer à elle. J'ai répondu à tous ses appels, quel que fussent mon âge et ma fatigue. Au jour le plus tragique de son histoire, c'est encore vers moi qu'elle s'est tournée. Je ne demandais ni ne désirais rien. On m'a supplié de venir. Je suis venu. Je devenais ainsi l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur. Les vrais responsables s'abritaient derrière moi pour écarter la colère du peuple. Lorsque j'ai demandé l'armistice, d'accord avec nos chefs militaires, j'ai rempli un acte nécessaire et sauveur. Oui, l'armistice a sauvé la France et contribué à la victoire des Alliés en assurant une Méditerranée libre et l'intégrité de l'Empire. Le pouvoir m'a été alors confié légitimement et reconnu par tous les pays du monde, du Saint-Siège à l'URSS. De ce pouvoir, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pour lui, je suis allé jusqu'à sacrifier mon prestige. Je suis demeuré à la tête d'un pays sous l'occupation. Voudra-t-on comprendre la difficulté de gouverner dans de telles conditions? Chaque jour, un poignard sur la gorge, j'ai lutté contre les exigences de l'ennemi. L'histoire dira tout ce que je vous ai évité quand mes adversaires ne pensent qu'à me reprocher l'inévitable. L'occupation m'obligeait à ménager l'ennemi, mais je ne le ménageais que pour vous ménager vous-même. En attendant que le territoire soit libéré, l'occupation m'obligeait aussi, contre mon gré et contre mon cœur, à tenir des propos, à accomplir certains actes dont j'ai souffert plus que vous. Mais devant les exigences de l'ennemi, je n'ai rien abandonné d'essentiel à l'existence de la patrie. Au contraire, pendant 4 années, par mon action, j'ai maintenu la France. J'ai assuré aux Français la vie et le pain. J'ai assuré à nos prisonniers le soutien de la nation. Que ceux qui m'accusent et prétendent me juger s'interrogent du fond de leur conscience pour savoir ce que, sans moi, ils seraient peut-être devenus. Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la libération en conservant une France douloureuse mais vivante. À quoi, en effet, eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières? C'est l'ennemi seul qui, par sa présence sur notre sol envahi, a porté atteinte à nos libertés et s'opposait à notre volonté de relèvement. J'ai réalisé pourtant des institutions nouvelles. La Constitution que j'avais reçu mandat de présenter était prête, mais je ne pouvais la promulguer. malgré d'immenses difficultés. Aucun pouvoir n'a plus que le mien. Honorer la famille et pour empêcher la lutte des classes, chercher à garantir les conditions du travail à l'usine et à la terre. La France libérée peut changer les mots et les vocables. Elle construit, mais elle ne pourra construire utilement sans les bases que j'ai jetées. C'est à de tels exemples que se reconnaît, en dépit des haines partisanes, la continuité de la patrie. Nul n'a le droit de l'interrompre. Pour ma part, je n'ai pensé qu'à l'union et à la réconciliation des Français. Je vous l'ai dit encore le jour où il m'emmenait prisonnier, parce qu'il me reprochait de n'avoir pas cessé de les combattre et de ruiner leurs efforts. Je sais qu'en ce moment, certains ont oublié. Depuis que je n'exerce plus le pouvoir, ce qu'ils ont dit, écrit ou fait. Des millions de Français pensent à moi, qui m'ont fait confiance et me gardent leur fidélité. Ce n'est point à ma personne que vont l'une et l'autre, pour eux comme pour bien d'autres à travers le monde. Je représente une tradition qui est celle de la civilisation française et chrétienne face aux excès de toutes les tyrannies. En me condamnant, ce sont ces millions d'hommes que vous condamnerez dans leur espérance et dans leur foi. Ainsi, vous aggraverez ou vous prolongerez la discorde de la France, alors qu'elle a besoin de se retrouver et de s'aimer pour reprendre la place qu'elle tenait autrefois parmi les nations. Mais ma vie importe peu. J'ai fait à la France le don de ma personne. C'est à cette minute suprême que mon sacrifice ne doit plus être mis en doute. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais je vous le dis à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui emporterait le poids, car un maréchal ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. Étant donné l'attitude prise par l'accusé, il m'est difficile de procéder à son interrogatoire. Néanmoins, sans vouloir faire ce qu'on appelle un résumé, je crois qu'il est absolument indispensable que, de la façon la plus objective, j'expose les charges qui ont été relevées contre lui. Bien entendu, je n'en doute pas, mais nous souhaitons donner acte de certaines irrégularités de procédure. Je laisse la parole à Maître Izorni. Après les observations de Maître Izorni sur les irrégularités de procédure, l'intervention de Maître Jean Lemaire, au verbe mordant, va déclencher un tumulte. Messieurs de la haute cour, il est une chose, n'est-il pas vrai, sur laquelle nous serons tous d'accord. La passion ne doit pas entrer dans le prétoire. Mais cependant, la passion, qui s'est retrouvée dès l'orée de l'instruction sous nos pas, est peut-être, et surtout, du côté du siège occupé par l'accusateur public, monsieur le procureur général Mornay. S'adressant à la presse, 3 mois avant cette audience, c'est-à-dire le 28 avril 1945, faisant connaître son opinion... Puisque je suis mis en cause personnellement, j'ai le droit de répondre. L'avocat général Mornay, barbe blanche en bataille, regard de feu et voix puissante, est l'homme qui a fait fusiller Matahari. La presse a surtout souligné qu'il a siégé pendant l'occupation, bien qu'il fût à la retraite, à la commission de la révision des naturalisations et fait déporter plus de 7000 personnes. J'ai fait connaître mon opinion sur le caractère des faits qui étaient reprochés au maréchal Pétain. Et j'ai dit que si ces faits étaient établis, comme je le croyais, ces faits ne comportaient pas d'autre peine que la peine la plus élevée. Mais cela ne veut pas dire que j'ai dit à la presse que je réclamerai la peine de mort. J'adresse un dernier avertissement. Puisque vous m'en demandez, j'ai dit que je considérais comme la chose la plus grave l'acte de trahison. Et quand j'ai dit que cette trahison comportait la peine de mort, je fais appel à votre bonne foi. Est-ce que cela, dans la bouche même d'un magistrat comme moi, ne signifie pas « Je demanderai la peine de mort lorsque les débats seront terminés. Il ne s'agit pas de tergiverser. » Je ne vois qu'une mesure pour faire cesser ces incidents à tous égards déplorables. Je suspends l'audience. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Première émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Lodenbach. Maître Lemaire, Jean-Yves Berthelot. Narration, Hélène Lesseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.